Tous les samedis dans ta ville, retrouve les acteurs de la culture urbaine sur Affaires de style. Affaires de style. L'émission 100% mulhousienne qui donne la parole à ces mulhousiens. Hello, hello, Affaires de style on air. Bienvenue pour un nouveau volet de votre émission Radio FM avec ce soir le rappeur Atomique. Salut à toi. Salut Streetwall, merci de me recevoir. Merci à toi d'être venu pour nous livrer ton premier album que l'on va découvrir ensemble. Mais avant cela, j'aimerais que tu te présentes pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Bah, je me présente Atomique, ça fait longtemps que je fais du rap. Je suis pas trop dans la tendance car je veux pas passer à la trappe. Mulhousien, fier de l'être, si je suis dans mon ADN. J'ai pour équipe de bap tout sûr, demande à Siak et RAN. Bon, dites-moi que je suis à l'ancien et que mes beats sont dépassés. Je prends ça comme un compliment, je connais pas de classique déclassé. Du rap hardcore au mélanco, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Aujourd'hui je sors mon solo, millésime et dans les bacs. Ok, ok, tu nous dis que ça fait un moment que tu toastes au mic. Ouais, plus de 10 ans. Et là on a vraiment envie de savoir, hein, de connaître bien sûr les raisons qui t'ont poussé à prendre la plume. Ça m'est venu après Smile, la vérité c'est trop cliché. Je voulais ressembler à ce blanc bec qui les avait tous giflés. Plus sérieusement à mes débuts, je notais juste mes états d'âme d'un jeune qui voulait briller en tason mais le macadam. M'exprimer avant de canner en laissant ma trace sur terre. Pas juste des photos jolies et des souvenirs éphémères. Ça se fit, ça se propage sur les ondes. Tel est le destin de mes manifestes. Ce sera mon témoignage au monde. Vu que les gens partent, les écrits restent. On voit que tu baignes, hein, dans le milieu depuis quelques temps déjà. T'as forcément dû observer un sacré changement, hein, dans le hip-hop d'aujourd'hui. T'en penses quoi, Atomique? Je suis écœuré, tu croyais quoi? J'allais les féliciter. Ils ne savent que trafiquer leur voix. Leurs discours sont robotisés. Les cerveaux lobes automisé pour rendre le mouvement fréquentable. Sur des schlags ils ont tout misé. Les dope kichis sont pas croyables. En plus de ça je sais que ça aide pas. Trop d'auditeurs sont des secs pas. Donc forcément à la diorale joue vraiment n'importe quoi. Mais où sont passés les MC? Je parle de ceux qui ont du talent. Maintenant y'a R sur ma vie. Le rap c'était mieux avant. Pour en venir à ta galette, comme tu le disais précédemment, tu lui as donné pour nom millésime. Tu ne trouves pas que c'est un peu présomptueux de ta part? Présomptueux, qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait cet album à mon image. Moi je viens pour leur foutre la honte et mettre la tendance au chômage. Enfin un vrai ce que dit Peura, intemporel pas comme leur hit. Même dans 10 ans tu l'écouteras, sur ma tête tu mettras repeat. Je ne joue aucun rôle, c'est ma vie. J'en ai marre tous ces menteurs. Crois-moi je suis le seul MC de ma ville qui sait se montrer à la hauteur. J'ai investi tout ce que j'avais, peur de l'échec, non jamais. Au pire je continuerai d'être pauvre malgré la frappe que j'amène. Atomique, explique-nous une chose. Dis-moi. Comment se fait-il qu'avec plus de 10 ans dans la marmite du RAP, ce n'est que maintenant que tu sors ton premier album solo? À expliquer, c'est compliqué, mais pour faire court en résumé, pour faire un disque de qualité, faut taffer à t'en faire suer. Moi je manquais de temps et d'argent, je te jure le rap c'est pour les riches. Débrouillard, j'ai pas d'argent, les porches les défoncent au pied de biche. Si j'en viens à baiser le succès, bah je dirais que c'est mérité. Frérot le Smith, je sais ce que c'est, rappeur c'est pas mon vrai métier. Et vu que le son n'est qu'une passion, pourquoi vouloir se précipiter? C'était loin d'être une obsession, donc pas une priorité. Très bien Atomique, je pense qu'on a fait le tour, hein. En tout cas gros big up car j'ai ressenti beaucoup de sincérité dans tes réponses. Merci. Un dernier mot pour conclure avant qu'on s'écoute ton album. J'espère juste qu'il vous plaira, j'ai mis mon bif et tout mon cœur. Si tu l'écoutes bah tu sauras, c'est de la frappe pour les amateurs. J'ai pris mon bic comme mitraillette, mon micro est une gâchette. J'arrose sans strass ni paillettes, c'est millésime, il faut que t'achètes. Un grand cru comme on n'en fait plus, arrivé à maturation. Trop d'avance pour leur turfu, crois-moi ça sent l'humiliation. Et ils ont beau avoir du flow, je vais les noyer dans la choucroute, préparez-vous pour un classique, là mon album, bonne écoute.